te comprenne, non te fin rive. Non te comprenne, sa fin fin regle. Mais nous, en tout bagaille, on change. De yon l'autre jouet café joué. Bagaille, on plus compliqué. Non te comprenne, paye une bral range. Non te comprenne, freine, yon bral mange. C'est yon lot chouette café joué, bagaille au plus compliqué. 1791, nous libérés de l'esclavage. 1804, nous vînons indépendants. 1915, pays nous occupés. Nous paquets à la pénité, pour te cajouer de la liberté. Parce que c'est nèg qui est fierté. Si c'est ça, yo veut faire nous. En 1991, nous qu'un problème, t'es tout le monde chaud. Exemple, nous faisons une tracée, levez-nous bien haut. En finition, y'en fout nous en bagot. Fais malé de courir pour de l'eau. Al chercher la ville en bord de l'eau. La ville a caille trop du bouillon. Si c'est ça, y'en veut faire nous payer. Quand que songez nous. Savannah, nous fait l'histoire, nous gagnons. après nous qui tombait.